Gestapo, c'est ma get set. Moi Fouta et ma get set. La vie c'est raide ma couille, donc des fois encore raide ma. Ça devient plus simple pour se payer des raids bas. 9293 c'est la même, 9495 c'est la même, 9177 c'est la même, c'est ma get set d'espoir. Ici on cultive la merde, partout on vend, on l'exporte. Des fois ça fait des tâches, alors ils payent le daron à un pote pour que leur métro reste propre. Ma rancœur reste top, n'est-ce pas? Dans mon club ça fait problème quand tu respectes pas. Pas de pédé dans ma get set, t'as pas vu nos 6 ça. Y'a même plein de gars ordinaires qui sont 6 stars. À la vie si peu stable, on reste droit si possible, dis à maman ça. En plus la vie c'est rien que du cinéma ici. Moi les keufs on joue les mêmes sketchs y'a 2 ans, du 9-2 ou 9-3. Moi les keufs et ma get set. Les 6 stars ont jamais compris pourquoi on venait les voir en survette. Moi et ma get. Moi Jelly et ma get set, get set. Moi Fouta et ma get set, get set. Moi Moussi et ma get set, get set. Moi Boomstaff et ma get set, get set. Toujours on fuck RATP avec tout ce qui gratte à ma get set. Et d'oreille vient délicat comme une tasse à aimer. Je viens déchirer sur la face à épée pour ma get set. Celle qui rejette 6-6-6, 12 sur 24, 7 sur 7. Je vis avec plein de papas délinquants. Ceux qui veulent toujours pas se la faire mettre. Encore moins de temps pour se prendre la tête. Dans ma guette, personne plaisante avec l'assiette. On kiffe, ça c'est les concepts. Viens en entretien en basket. Trop tard, départ, ces petits qui font monter les poussettes. Dans le bus, à l'autre arrêt, ils déménagent avec. Tout ça c'est ma guette. 7, pas de raciste, tous métis dans ma guette. Juste des différences de maille, du 9-2 au 9-7. Ici, viens pas parler mal, on t'injurie ta maman direct. Moi Jelly et ma get set, get set. Moi Fouta et ma get set, get set. Moi Moussi et ma get set, get set. Moi Boomstaff et ma get set, get set. Chaud, près du Val d'Or. J'finis mon joint de la veille, j'vais voir un frère à Corbeil. Arrivé au zoo, j'trouve mon pote avec une meuf de Robinson. Il se remet bien son, c'est un coup de mot. Se ramène vers 7h-20 direction. Pour une petite affaire, fallait qu'il récupère sa caisse depuis hier. Comme on est passé à Vitry pour que son cousin dépose son fils chez sa belle-mère. Je voulais passer voir Brice Farr, Robespierre. Oh merde, j'ai paumé ma zep tant qu'il y a clair, bien que l'espoir. On part traquer la verre. Ah merde, j'ai failli gramer le Tieka. Connexion faite, trappe conquête. Comme plus rien se bute la guette. Au retour, fonce vers Courbevoie. Récupérer le man et ses get sex. Sur le chemin, je croise mon zinc de l'aïeuse et sa sauce de Celsar. Une meuf de Barbade et des flanades. J'avais déjà vu vers chez Chocho à Pierrefitte. Dis bonjour à la tante, on rentre vite chez Oliva Aubervilliers. Au passage j'allume les mecs à la barrière. Tout ça pour dire nique les numéros si je suis dans le get. Nique les chichis de périmètre. Ma famille et ma get set, get set. Moi les gosses et ma get set, get set. Moi le rap et ma get set, get set. Get set, get set. Moi le jeu et ma get set, get set. Moi laisse et ma get set, get set. Moi Valdor et ma get set, get set. Get set, get set. Le man c'est ma get set. Psyche c'est ma get set. 9-2 c'est ma get set. Get set, get set. 9-7 c'est ma get set. 9-4 c'est ma get set. 9-5 c'est ma get set. Get set, get set.